7h du mat, tu te lèves comme d'hab, c'est trop la merde, mais tu le fais en dépit de ta flemme. Direction les toilettes, direction la salle de bain, direction les RER. Toujours le même refrain, c'est trop la merde, trop la merde. Toujours ce même chemin, toujours ces mêmes personnes avec ce même entrain. Mais ce jour-là, et ce depuis quelque temps, ton ego semble en puissance et ton cerveau se met en transe. Et tu te demandes pourquoi ce taf de merde et ce salaire de merde pour cette live de merde, et tes yeux pleurent de fatigué d'amertume, de désir mais d'infortune. Tu n'en peux plus mais tu le fais, puis tu conçois ton plan de braquer une banque. Ton existence ne vit que pour le plaisir et l'argent. Puis tu te procures un bang, tu te procures des gants, tu te procures une cagoule, une sensation excitante. Puis tu décides de le faire, direction l'RER. Mais plus pour la même galère, mais pour une cure de richesse, sans penser à la cause du point de non-retour. C'est le tourment du chétan qui t'a pris dans la foule, et ton cerveau ébullitionne comme une bouilloire. Et sans le savoir, le diable t'a mis sur ses marches, et tu diriges tout droit vers les portes du mal. Tout ça pour une vie que tu n'auras même pas. C'est trop la merde, tu t'es perdu dans tes tourments. Tu as voulu être au bon moment, le diable t'a pris dans son élan. Et le système t'a propulsé dans une vie éphémère. Dis qu'une putain de vie classée sans suite, tu ne peux plus faire marche arrière. Tous tes sens sont en alerte, et le diable te guette dans ta vision de tes richesses. La mort, la vie, le pauvre et le riche, trop de choses qui nous unissent, d'autres choses qui nous détruisent. À la banque et tout compte fait, c'est pas une banque tu vas faire, mais une pause que tu vas faire. Direction le guichet, la main sur la gâchette, tu demandes la recette. La meuf s'exécute tout de suite, tu te sens invincible, tu deviens impassible sans te soucier des personnes qui sont en panique. Puis la meuf revient, te donne ton butin, et maintenant tu deviens gueudin. T'en veux plus, c'est pas malin. Puis tout à coup, un mec joue ses casse-cou et veut te prendre par le cou pour te faire une prise de kung-fu. Mais tu es fou toi, direct tu cliques ton bang, et puis boum, première victime, un bain de sang, première tuerie. C'est trop la merde, tous tes sens sont en alerte, et là tu ne sais plus que faire. Panique à bord et c'est le stress. Puis tout à coup encore, une meuf se fait la malle, tu n'en peux plus, là c'en est trop. Tu pètes un cap, tu veux de vaisseau. C'est trop la merde, tu t'es perdu dans tes tourments. Tu as voulu être au bon moment, le diable t'a pris dans son élan. Et le système t'a propulsé dans une vie éphémère. Dis qu'une putain de vie classée sans suite, tu ne peux plus faire marche arrière. Tous tes sens sont en alerte, et le diable te guette dans ta vision de tes richesses. La mort, la vie, le pauvre et le riche, trop de choses qui nous unissent, d'autres choses qui nous détruisent. Tu veux tailler mais là tu rêves, plaisir sauté. Ton cauchemar n'est pas achevé, les stars viennent à peine d'arriver. Tes pulsions battent sans à l'heure, tu vois que tes actes ont pris de l'ampleur. Les keufs ont cerné tous ces cœurs, c'est même plus une question d'heure. T'as plus rien à perdre, pourquoi tu flippes putain de ta. Tu viens de foutre une vie en l'air, donc tu dois faire ce qu'il y a à faire. Le diable rit de tes méfaits, tu te diriges vers la lumière. Et là tu vois que tout s'arrête, tu t'es pris une balle en pleine tête. C'est trop la merde, tu t'es perdu dans tes tourments. Tu as voulu être au bon moment, le diable t'a pris dans son élan. Et le système t'a propulsé dans une vie éphémère. Dis qu'une putain de vie classée sans suite, tu ne peux plus faire marche arrière. Tous tes sens sont en alerte, et le diable te guette dans ta vision de tes richesses. La mort, la vie, le pauvre et le riche, trop de choses qui nous unissent, d'autres choses qui nous détruisent. Merde, tu t'es perdu dans tes tourments. Tu as voulu être au bon moment, le diable t'a pris dans son élan. Et le système t'a propulsé dans une vie éphémère. Dis qu'une putain de vie classée sans suite, tu ne peux plus faire marche arrière. Tous tes sens sont en alerte, et le diable te guette dans ta vision de tes richesses. La mort, la vie, le pauvre et le riche, trop de choses qui nous unissent, d'autres choses qui nous détruisent. Véridiques sont mes paroles.